bienvenue à ce tout premier rendez-vous de l'année 2017 pour l'émission Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Je suis à l'animation, la mise en onde, la recherche musicale et le choix musical avec la complicité de Denis Marchand, Robert Blanchette et Noël Douville. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Emerson, Lake & Palmer, Violeta de Outono du Brésil, Fido des États-Unis, Mad Crayon d'Italie, The Sin d'Angleterre, Auf Klärung d'Italie, Troika d'Angleterre, Il Rumore Bianco d'Italie, Harmonium du Québec et Léormé d'Italie. Alors on débute ça avec Emerson, Lake & Palmer. Et nous aurons une pièce extraite du premier album du groupe qui est paru en 1970, l'album éponyme. La pièce, c'est Take a Pebble. Ça sera suivi de Violeta de Outono, un groupe brésilien qui existe depuis 1987. C'est un groupe qui vient de faire paraître leur septième album, Spaces. Et on va entendre un extrait du nom de Cicada Extincta. Alors, on débute ça avec Emerson, Lake & Palmer. Thank you. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le deuxième bloc, on va faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, on a eu Violeta de Outono, un groupe du Brésil, avec la pièce Cidade Extinta. Et c'est extrait de Spaces, l'album qui vient tout juste de paraître. Et en début de bloc, nous avions Emerson, Lake & Palmer avec la pièce Take a Pebble, et c'est extrait du premier album paru en 1970, Emerson, Lake & Palmer. Bien entendu, c'est à titre posthume pour souligner la disparition de Greg Lake et de Kate Emerson, tous les deux décédés en 2016. Pour ceux qui aimeraient faire un retour sur la discographie du groupe, ben, je vous propose les quatre premiers albums. Je nomme ici Emerson, Lake & Palmer, le premier. Ça a été suivi de Tarkus, il y a eu Trilogy, et puis après ça, Brain Salad Surgery. On a eu quelques autres albums studio suite à ça, mais je vous réfère aux quatre premiers pour l'essence de l'œuvre. Bien entendu, il y a eu d'innombrables compilations, il y a eu des albums live, il y a eu des DVD, mais encore une fois, je vous réfère aux quatre premiers albums de Emerson, Lake & Palmer entre 1970 et 1973. Alors, on débute le deuxième bloc avec une formation américaine du nom de Fido. Fido, qu'on connaît pour 10 albums studio. Le dernier est paru en 2013, mais ce qu'on va entendre, c'est paru en 2005 et on va en une longue pièce, c'est Chupacabras, c'est-à-dire c'est extrait de l'album du même nom et ça va être suivi par Mad Crayon, une formation italienne qui existait entre 1994 et 2009. Après 2009, il n'y a pas eu d'album studio, mais on les a vus en collaboration sur des albums concept là, comme Decameron et puis d'autres œuvres. On va entendre une pièce qui est tirée de leur dernier album, Prada, et ça s'intitule, une petite seconde, Fido. Thank you.

We'll be right back. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et nous sommes déjà rendus au troisième bloc de l'émission et un petit peu avant la pause, nous avions Mad Crayon d'Italie avec la pièce Il Sovrano dell'Illusione et c'est extrait de Preda. Ça, c'est un album qui est paru en 2009. C'était le troisième et dernier album du groupe. Et auparavant, nous avions en début de bloc Fido, la formation américaine, avec la pièce titre Chupacabras. Ça, c'était paru en 2005. Alors, on débute le troisième bloc avec The Sin. The Sin qu'on a fait jouer un petit peu avant les fêtes. C'est un groupe qui avait été précurseur de Yes avec Peter Banks et puis Chris Squire qui faisait partie de ce groupe-là avant de joindre Yes. Il y a eu une éclipse de plusieurs dizaines d'années et à la dissolution du groupe, The Sin est réapparu et ils viennent de faire paraître un album, le troisième du groupe. C'est paru un petit peu avant les fêtes. L'album s'intitule Trustworks et on va entendre Seventh Day of Seven. Et un petit peu après, tout de suite après, on va entendre le groupe italien Off Clarong. Off Clarong, c'est grâce à Paul Baudouin que j'ai connu ce groupe-là. Et je suis allé chez Paul avant les fêtes et puis il m'a lancé un défi de connaître, en fait, de trouver quelques raretés dans sa collection. Eh bien, Off Clarong, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Ça a passé sous le radar. C'est paru en 1995. L'album s'appelle De la Tempesta, l'Obscuro Placere. Et on va entendre un extrait. Ce ne sera pas le seul parce que je considère que c'est un très bon album. Et en fait, on va entendre la semaine prochaine aussi un autre extrait. Alors, on débute ça avec The Sin. Seventh day of seven, coming out of nowhere, feeling undecided. Walking in the city, quiet as a desert, broken and divided. Fly like eagles onto the horizon, dreaming onto mountains, standing on the treetops, freedom fighters rising. An old story about the power and the glory, and you got to get ready, come what may. Seventh day of seven, standing on the front line, walking through the badlands, smoke on the horizon, facing tanks and armor, sticks and stones in our hands, and believing something good is gonna happen soon. Can't you see we're standing up, reaching for the golden moon? It's an old, old story about the power and the glory, and you got to get ready, come what may. Mm-hmm. shadows, shadow from the rooftops, running to the light. Thunder, lightning, hearts of fire, eyes like diamonds, standing up for what is right. Thunder, lightning, passions igniting, and they're marching on the highways, thousands dreaming of the new days. Don't you know that blood is thicker than ink? King's a man, he's not as strong as he may think. People power is the water that we drink. Like the touch paper of truth and stand clear. Revolution. Clinging onto mountains.

praise of the mysteries. We are living inside a cage. No existence can be destroyed or fade as a breath of air. Even when the lyre chords are broken, their melody remains. By wind the sounds are carried away, but they don't get lost once for all. In a purple sun on the ether banks, the oblivion spiral flows. The abyss where the souls are plunged into the river Lethean. And there they purify till destiny will call. Over the flood of time, their thirst to merge to another shape of life. So she glided below my eyes, then she planned to the matter's labyrinths to clutch and mold my moves. Growing like a phantom born from sidereal gems, cast a face throughout my thoughts, while afterglow spread on the forms beyond the threshold of unknown. She revived in a swarm of dreams, a shifting of my psychic strain. You're just a link of the reincarnation chain. memories are left behind of me and wind ahead of you. For all I know, the roots, the loves, the cosmic liaison, and the coming of the Lord will bring the eternal change and circle close. Then she found her ablish point of view around the silent stair. A mystic music paralleled the deep sound of the earth, and the nature gave a fuller strength, returning inside her womb. She said, we are a part of sun, our blood's a part of sea. From dawn to dusk, from night till twilight, burns the former warmth we were tied by the crimson thread. Oh, the reminiscence of the earliest star. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au troisième, le quatrième et dernier bloc de l'émission. On a entendu avant la pause un groupe italien du nom de Off Clarong, et c'est un groupe qui a sorti un seul album en 1995. L'album s'intitule « De la tempesta l'obscuro placere » et on a entendu un extrait « Red Shift ». Et en début de bloc, nous avions la formation britannique de Sin avec Seventh Day of Seven, extrait de Thrustworks. C'est un récent album qui est paru à la fin de l'automne. Alors, on débute le quatrième bloc avec une formation britannique, Troïka, dont on connaît trois albums, dont le dernier, Omnitrophobia. Alors, on va entendre une pièce qui s'intitule The General. Et ensuite, on a une nouveauté italienne, un nouveau groupe, pas nécessairement un nouveau groupe, un nouvel album d'un groupe assez récent, Il Rumore Bianco. On va entendre un extrait de l'album Antropocene. Ça vient de sortir. Quand je dis qu'il n'est pas nouveau, mais c'est depuis 2013, ils avaient sorti un court album, Mediocrasia, en 2013. Alors, le plus récent, c'est cet automne, Antropocene. On va, suite à ça, on va vous présenter un extrait de la réédition de l'heptade Excel, qui est paru le 15 novembre de cette année, pour fêter le 40e anniversaire de cet album-là. Alors, on va entendre la pièce « L'appel, le premier ciel » sur une corde raide. Et on va conclure avec un de mes groupes préférés, Les Ormes, et Frutto Acerbo, de l'album « Contrapunti ». Alors, on débute ça avec Troïka. Thank you. les hommes philo. Trascinato nell'oblio, seduto lì su quella sedia. Nella stanza del giudizio, riempita più. disegnare ciò che in realtà non sono più. Thank you.

sotto il letto il diavolo cantava già vittoria. E nel buio la paura prima di dormire, per il primo giuramento che ho strappato al sole. A primavera il sasso nello stagno che rimbalzava così forte in noi, nel rotolarci sotto il fieno, soffriva il cuore frutto ancora acerbo. Corsa all'osteria per ripetere a mio padre la minestra è fredda. Nel silenzio verso casa la sua mano triste e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori. Io mi sognavo di fermarle, ma la mia voce si perdeva al vento. Dietro il sole grande e bianco, quanto amore mi scoppiava dentro. Ricordo ancora quello strano giorno, dissi sincero, non lo voglio fare. Pregavo di restare per un minuto solo. Alors, vous venez d'entendre Les Ormés avec la pièce Frutto Acerbo et c'est extrait de Contrapunti qui est paru en 1974. Ça a été précédé de Harmonium avec un extrait de Leptad XL, la remasterisation de cet album mythique de l'année 1976 et on a entendu l'appel Le Premier Ciel et Sur une courte raide. Et auparavant, c'était Il Rumore Bianco avec la pièce Il Glidin e Boom. Bon, excusez-moi. Il Giudice e El Bugrando. Et c'est extrait de Anthropocene et ça vient de paraître. Et en début de bloc, nous avions la formation britannique Troïka et la pièce de General et c'est extrait de Omnitrophobia. Alors, pour ceux qui aimeraient retracer la description de ce que je viens de dire, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous aurez toute la description des pièces, des artistes et des albums. Vous pouvez aussi, à partir de la page Facebook de l'émission Rock de Neurones, consulter par un lien, par un hyperlien, vous pouvez retracer la discographie, en fait, les émissions archivées qui date déjà de 3 ans. Et il y a 72 ou 73 émissions qui y sont archivées, avec aussi la liste des pièces et des artistes et des albums. Alors, ceci m'a fait l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.